Le premier mouvement d'Orso avait été un aveugle transport de fureur, et il s'était dit que la fortune lui offrait une excellente occasion de corriger ce lâche qui mutilait un cheval pour se venger. Puis, tout en avançant, l'espèce de promesse qu'il avait faite au préfet, et surtout la crainte de manquer la visite de Miseneville, changeait ses dispositions et lui faisait presque désirer de ne pas rencontrer Orlanduccio. Bientôt, le souvenir de son père, l'insulte faite à son cheval, les menaces des Baricini rallumaient sa colère, et l'excitaient à chercher son ennemi pour le provoquer et l'obliger à se battre. Ainsi agité par des résolutions contraires, il continuait de marcher en avant, mais, maintenant, avec précaution, examinant les buissons et les haies, et quelquefois même s'arrêtant pour écouter les bruits vagues qu'on entend dans la campagne. 10 minutes après avoir quitté la petite Quilina, il était alors environ 9 heures du matin, il se trouva au bord d'un coteau extrêmement rapide. Le chemin, ou plutôt le sentier à peine tracé qu'il suivait, traversait un maquis récemment brûlé. En ce lieu, la terre était chargée de cendres blanchâtres, et çà et là, des arbrisseaux et quelques gros arbres noircis par le feu et entièrement dépouillés de leurs feuilles se tenaient debout, bien qu'ils eussent cessé de vivre. En voyant un maquis brûlé, on se croit transporté dans un site du nord, au milieu de l'hiver. Et le contraste de l'aridité des lieux que la flamme a parcourus avec les végétations luxuriantes d'alentour les fait paraître encore plus tristes et désolés. Mais, dans ce paysage, Orso ne voyait en ce moment qu'une chose, importante, il est vrai, dans sa position. La terre, étant nue, ne pouvait cacher une embuscade. Et celui qui peut craindre à chaque instant de voir sortir d'un fourré un canon de fusil dirigé contre sa poitrine, regarde, comme une espèce d'oasis, un terrain uni où rien n'arrête la vue. Au maquis brûlé succédaient plusieurs champs en culture, enclos, selon l'usage du pays, de murs en pierre sèche à hauteur d'appui. Le sentier passait entre ces enclos, où d'énormes châtaigniers, plantés confusément, présentaient de loin l'apparence d'un bois touffu. Obligé par la raideur de la pente à mettre pied à terre, Orso, qui avait laissé la bride sur le cou de son cheval, descendait rapidement, en glissant sur la cendre. Et il n'était guère qu'à 25 pas d'un de ces enclos en pierre à droite du chemin, lorsqu'il aperçut, précisément en face de lui, d'abord un canon de fusil, puis une tête dépassant la crête du mur. Le fusil s'abaissa, et il reconnut Orlanduccio prêt à faire feu. Orso fut prompt à se mettre en défense, et tous les deux, se couchant en joue, se regardèrent quelques secondes avec cette émotion poignante que le plus brave éprouve au moment de donner ou de recevoir la mort. « Misérable lâche !» s'écria Orso. Il parlait encore quand il vit la flamme du fusil d'Orlanduccio et presque en même temps un second coup parti à sa gauche, de l'autre côté du sentier, tiré par un homme qu'il n'avait point aperçu et qu'il ajustait, posté derrière un autre mur. Les deux balles l'atteignirent. L'une, celle d'Orlanduccio, lui traversa le bras gauche, qui lui présentait en le couchant en joue. L'autre le frappa à la poitrine, déchira son habit, mais, rencontrant heureusement la lame de son stylet, s'aplatit dessus et ne lui fut qu'une contusion légère. Le bras gauche d'Orso tomba immobile le long de sa cuisse, et le canon de son fusil s'abaissa un instant. Mais il le releva aussitôt et, dirigeant son arme de sa seule main droite, il fit feu sur Orlanduccio. La tête de son ennemi, qu'il ne découvrait que jusqu'aux yeux, disparut derrière le mur. Orso, se tournant à sa gauche, lâcha son second coup sur un homme, entouré de fumée qu'il apercevait à peine. À son tour, cette figure disparut. Les 4 coups de fusil s'étaient succédés avec une rapidité incroyable, et jamais soldats exercés ne mirent moins d'intervalle dans un feu de fil. Après le dernier coup d'Orso, tout rentra dans le silence. La fumée sortie de son arme montait lentement vers le ciel. Aucun mouvement derrière le mur, pas le plus léger bruit. Sans la douleur qu'il ressentait au bras, il aurait pu croire que ces hommes sur qui il venait de tirer étaient des fantômes de son imagination.